La Ligue des Vieux par Jack London. Aux casernes, on jugeait un homme dont la tête était en jeu. C'était un vieillard, un indigène de la rivière détruite, qui déverse ses eaux dans le Yukon, au-dessous du lac Lebarge. Il avait les mains rouges du sang de tant de victimes que les crimes qu'on lui imputait défiaient tout dénombrement précis. Lorsqu'enfin Amber vint de lui-même se livrer à la justice, le mystère ne fit que s'approfondir. À l'époque où le Yukon se tord sous la glace, le vieil Indien, émergeant de la piste qui longe le fleuve, gravit sa berge et se trouva dans la principale rue. Ses yeux clignotèrent au soleil. Les témoins de son arrivée remarquèrent sa faiblesse et le virent chanceler quand il s'assit sur un tas de bûches. Il resta tout un jour, contemplant de ses yeux fixes le flot continu de blanc qui déferlait devant lui. Bien des têtes curieuses se détournèrent pour rencontrer son regard. Et maintes remarques fut échangée sur le compte du vieux Siwash, si étrange d'aspect. Ils sont innombrables ceux qui, plus tard, se rappelèrent avoir été frappés par sa tournure bizarre, et se vantèrent, par la suite, d'avoir aussitôt flairé quelque chose d'anormal. Mais le plus fort de tous devait être Dickinson, le petit Dickinson. Il était venu dans le pays avec des rêves mirifiques et les poches pleines. Mais l'argent s'était évanoui, et les rêves aussi, et pour gagner de quoi retourner jusqu'aux États-Unis, il avait accepté une place de commis dans la maison de commerce Holbrook et Mason. Devant son bureau, de l'autre côté de la rue, se trouvait le tas de bois sur lequel Amber était assis. Avant d'aller déjeuner, Dickinson jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit l'homme. À son retour, il répéta son geste, le vieux Siwash était toujours là. Dans l'après-midi, Dickinson sortit sur le trottoir pour fumer un cigare et prendre le frais. Quelques instants après, Emily Travis surgissait. Elle était mignonne, délicate et originale, cette Emily Travis. Au Klondike, elle s'habillait comme il sied à la fille d'un ingénieur de mine millionnaire. Le petit Dickinson déposa son cigare sur le rebord d'une fenêtre où il pourrait le retrouver et souleva son chapeau. Il bavardait depuis 10 minutes lorsqu'Emily, jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule de Dickinson, poussa soudain un petit cri d'émoi. Lui se détourna pour voir et tressaillit aussi. Amber avait traversé la rue et se tenait debout, là, ombre affamée et sinistre, les yeux rivés sur la jeune fille. « Que voulez-vous ? » demanda le petit Dickinson d'un cœur hardi mais d'une voix tremblotante. Amber grogna quelque chose et s'avança majestueusement vers Emily. Il promena sur elle un regard perçant et attentif. Il semblait s'intéresser tout spécialement à sa chevelure brune, soyeuse, à la couleur de sa joue, légèrement poudrée, douce comme le frais duvet d'une aile de papillon. Puis il émit quelques syllabes gutturales, tourna le dos à la jeune fille et s'adressa à Dickinson. Celui-ci ne pouvait comprendre son discours et Emily se mit à rire. Amber se tournait de l'un à l'autre, fronçant les sourcils, mais tous les deux hochaient la tête. Il était sur le point de s'en aller lorsqu'elle cria « Oui, Jimmy, par ici !» Jimmy s'avança de l'autre côté de la rue. C'était un Indien gras et solidement charpenté, vêtu à la mode des Blancs et coiffé d'un sombrero digne d'un roi de l'Eldorado. Il échangea avec Amber quelques mots hésitants. Jimmy était un Sitkan et ne possédait qu'une connaissance rudimentaire des dialectes de l'intérieur du pays. « Lui, homme tribu détruite, » dit-il à Emily Travis. « Moi, pas savoir parler, lui, beaucoup. Lui, vouloir voir chef blanc. »« Le gouverneur, » insinua Dickinson. Jimmy causa encore quelques instants avec l'homme détruite, et son visage s'assombrit et devint perplexe. « Moi croire lui vouloir Captain Alexandre, » expliqua-t-il. « Lui dire tu es homme blanc, femme blanche, garçon blanc, lui tu es beaucoup blanc. » Un policeman monté, à pied pour le service du Klondike, joignit le groupe et entendit Amber réitérer son désir. « Allons-vous, suivez-moi, » dit-il d'un air renfrogné, se frayant de l'épaule un passage à travers la foule. C'est ainsi qu'Himmer arriva jusqu'aux casernes, où il fit, de lui-même, des aveux complets et d'où il ne devait jamais plus sortir. Il paraissait exténué. Ses traits étaient tirés par la fatigue du désespoir et des ans. Ses épaules s'affaissaient, ses yeux avaient perdu tout leur éclat. Sa tignasse aurait dû être blanche, mais le soleil et les tempêtes l'avaient tellement brûlée et battue qu'elle pendait flasque, terne et sans vie. Il ne prenait aucun intérêt à tout ce qui se passait autour de lui. La salle de justice était pleine à craquer d'hommes venus des criques et des pistes, et dans le brouhaha de leur voix contenue, il y avait une note sinistre qui parvenait à ses oreilles comme le grondement de la mer dans les profondes cavernes. tandis que leurs regards se concentraient sur lui et que, farouche, il dégustait à l'avance la peine qu'il allait encourir, Imber les contemplait, songeait à leur manière, à leur loi qui ne dormait jamais, mais s'exécutait sans répit, que les temps fussent bons ou mauvais, pendant les inondations et la famine, malgré les tourments, l'épouvante et la mort, et qui continuerait ainsi, lui semblait-il, jusqu'à la consommation des siècles. Un homme frappa un coup sur la table. Les bourdonnements cessèrent et le silence s'établit. Imber regarda l'homme. Il lui parut être un représentant de la loi, mais le vieillard devina que le personnage au front carré, assis devant un bureau un peu plus loin par derrière, devait être le chef suprême, au-dessus même de l'homme qui avait frappé. Un deuxième individu assis à la même table se leva et se mit à lire à haute voix les feuillets d'une liasse de papier fin. Arrivé au haut de chaque page, il s'éclaircissait la voix, et au bas, il se mettait les doigts. Imber ne saisissait pas ce qu'il disait, mais les autres le suivaient, et il comprit que cette lecture déchaînait de l'hostilité contre lui. Parfois, leur colère éclatait. Un homme lui lança quelques malédictions, sèches et mordantes, mais un autre le rappela au silence. Pendant un temps interminable, l'homme continua de lire. Son débit monotone et chantant berçait Imber, qui crut sortir d'un rêve lorsque la voix cessa. Un autre parla dans sa langue maternelle, et il se leva, sans surprise, dévisageant le fils de sa sœur, un jeune homme qui avait déserté la tribu depuis de longues années déjà, pour aller vivre avec les Blancs. « Tu ne te souviens pas de moi ?» dit celui-ci en guise de salutation. « Mais si, » répondit Imber, « tu es Hawken qui s'est enfui, ta mère est morte. »« C'était une vieille femme, » dit Hawken. Mais Imber n'entendait pas, et Hawken, d'un coup de main sur son épaule, le réveilla. « Je vais te répéter ce que l'homme a dit. L'histoire des maux que tu as causés et que tu as révélés, espèce de fou, au capitaine Alexandre. Et tu devras me suivre et déclarer si ce que je vais dire est vrai ou faux. Ainsi le veut la loi. » Hawken était tombé parmi les gens de la mission qui lui avaient appris à lire et à écrire. Il tenait le cahier où l'homme avait lu à haute voix. Un clerc y avait consigné la confession qu'Imber avait faite par la bouche de Jimmy au capitaine Alexander. Hawken se mit à lire. Imber l'écoutait depuis un instant, lorsqu'une expression d'étonnement parut sur son visage. Il s'interrompit soudain. « C'est moi qui ai dit cela, Hawken. Pourtant, cela vient de tes lèvres et tes oreilles ne l'ont pas entendu. » Hawken, satisfait de lui-même, eut un sourire de béatitude. Ses cheveux étaient séparés sur son front. « Bien mieux, tout cela vient du papier, oh Imber. Mes oreilles n'ont jamais rien entendu. Cela vient du papier, par mes yeux, dans ma tête. » Et cela sort de ma bouche pour aller à toi. Voilà comme cela vient. Cela vient ainsi, c'est sur le papier. » La voix d'Imber se confondit en un murmure de frayeur, tandis qu'il froissait les feuillets entre le pouce et l'index, les yeux attachés sur les caractères qui y étaient griffonnés. « Voilà une fameuse sorcellerie, Hawken. Es-tu un faiseur de merveilles ?»« Cela n'est rien, cela n'est rien, » répondit le jeune homme négligemment et avec suffisance. Il lut au hasard sous le document. « En cette année-là, avant la débâcle des glaces, vinrent un vieillard et un garçon qui boitaient. Ceux-là, je les ai tués aussi. Et le vieux fit beaucoup de bruit. C'est vrai, interrompit Imber d'une voix entrecoupée. Il fit beaucoup de bruit et pendant longtemps il ne voulait pas mourir. Mais comment le sais-tu, Hawken? Le chef des Blancs te l'a dit, sans doute? Personne ne m'a vu, et à lui seul je l'ai dit. Hawken hocha la tête avec impatience. Ne t'ai-je pas dit que cela était sur le papier, au fou? Imber regarda durement la surface barbouillée d'encre. Comme le chasseur qui cherche dans la neige dit « Ici, pas plus tard qu'hier, est passé un lapin. » Près du buisson de saule, il s'est arrêté, a tendu l'oreille. Il a entendu et il a eu peur, et plus loin, il est revenu sur la piste et il s'est enfui à toute allure, avec de larges bonds. Et là, à une vitesse double et avec des sauts plus longs, arriva un lynx. À cet endroit, où les griffes ont creusé profondément la neige, le lynx fit un énorme bond, puis atteignit le lapin, le roula sous lui, ventre en l'air. Et à partir d'ici, on ne voit plus que la trace du lynx. Il n'y a plus de lapin. Comme le chasseur examine les marques sous la neige et dit « Voyez ici toute l'histoire. Ainsi toi, pareillement, tu regardes le papier et tu dis « Voyez ici toute l'histoire des méfaits que le vieil Imber a commis. » « C'est cela même, » dit Hawken. « Et maintenant, veuille écouter et garder ta langue de femme dans ta poche jusqu'à ce qu'on te donne la parole. » Là-dessus, et pendant longtemps, Hawken lui lut la confession, et Imber demeura rêveur et silencieux. À la fin, il dit Ce sont mes paroles, mes vraies paroles. Mais je deviens vieux, Hawken. Il me revient des souvenirs depuis longtemps effacés que ce chef-là devrait bien connaître. D'abord, je vais te parler de l'homme qui franchit la montagne de glace avec des trappes de sorciers en fer, qui poursuivait les castors de la rivière aux truites. Je l'ai tué. Puis vinrent trois hommes qui cherchaient de l'or sur la rivière il y a bien longtemps. Ceux-là aussi je les ai tués et abandonnés aux Wolverines. Et j'ai vu, aux Five Fingers, un homme sur un radeau chargé de beaucoup de viande. Pendant les intervalles où Imber s'arrêtait pour fouiller dans sa mémoire, Hawken traduisait et un clerc résumait ses paroles par écrit. L'auditoire écoutait, bouche bée, chacune des petites tragédies racontées dans toute leur brutalité, jusqu'au moment où Imber parla d'un homme aux cheveux roux et aux yeux louches qu'il avait tué à une très longue portée. « Malédiction !» proféra un homme qui se trouvait au tout premier rang des spectateurs. Sa voix était émue et douloureuse. Il avait lui aussi la tête flamboyante. « C'était mon frère Bill !» Et à intervalles réguliers, pendant toute la séance, son solennel juron se fit entendre dans toute la salle. Ses camarades ne l'interrompirent pas, et l'homme assis à la table ne frappa point pour le rappeler à l'ordre. La tête d'Imber s'affaissa une fois de plus, et son regard devint terne, comme si un nuage s'était levé et lui avait intercepté le monde, et il rêva, comme seuls les vieillards peuvent le faire, sur l'immense futilité de la jeunesse. Ensuite, Hawken le réveilla et lui dit « Debout, ô Imber !» La loi ordonne que tu racontes pourquoi tu as causé toutes ces peines, pourquoi tu as tué ces gens et pourquoi, enfin, tu as cheminé jusqu'ici pour réclamer la loi. Imber se leva faiblement et se dodelina en avant et en arrière. Il se mit à parler d'une voix basse et un peu grondante, mais Hawken l'interrompit. « Cet homme est un vieux fou, » dit-il en anglais, à l'homme au front carré. « Sa conversation est stupide, il parle comme un enfant. » « Nous voulons entendre ces paroles qui ressemblent à celles d'un enfant, » dit l'homme qui venait d'être interpellé, « et nous voulons les entendre sans en perdre une seule, telles qu'elles sortiront de sa bouche, comprenez-vous » Hawken avait compris, et un éclair passa dans les yeux d'Imber, car il avait vu clairement le jeu du fils de sa sœur vis-à-vis du représentant de la loi. Et alors commença l'histoire épique d'un patriote endurci qu'on aurait dû graver dans le bronze pour les générations futures. Un étrange silence pesait sur la foule. Le juge au front carré prit sa tête dans ses mains et scruta son âme et celle de sa race. On entendait seulement les intonations graves d'Imber, alternant rythmiquement avec la voix perçante de l'interprète et de temps à autre, comme un glas, le juron obstiné de l'homme aux cheveux roux. « Je suis Imber, de la tribu détruite. » Ainsi commençait la traduction de Hawken. Sa barbarie innée reprenait ses droits, et à mesure qu'il se laissait gagner par le rythme et le timbre sauvage de l'histoire du vieil Indien, il perdait le vernis de civilisation acquis à la mission. Mon père était un Otsbaouk, un rude homme. Le soleil et l'allégresse réchauffaient la terre au temps de mon enfance. Les gens ne désiraient pas mon émerveil, n'écoutaient pas l'appel des nouveaux besoins et les mœurs de leur père étaient les leurs. Les femmes trouvaient grâce aux yeux des jeunes hommes et ceux-ci les regardaient avec plaisir. Les bébés étaient suspendus au sein des femmes dont les maternités successives avaient élargi les hanches. Les hommes étaient des hommes en ces temps-là. Dans la paix et l'abondance, dans la guerre comme dans la famine, ils restaient des hommes. Il y avait alors beaucoup plus de poissons dans l'eau qu'aujourd'hui, et aussi plus de viande dans la forêt. Nos chiens étaient des loups, protégés par leur peau épaisse et endurcie au froid et à la tempête. Et il en était de même de nous, car nous ne redoutions ni l'un ni l'autre. Et quand les pélisses pénétrèrent dans notre terre, nous les tuâmes et laissâmes des nôtres. Parce que nous étions des hommes, nous autres de la tribu détruite, et nos aïeux et nos pères avaient combattu contre les pélisses et fixé les limites de notre terre. Un jour apparut le premier blanc. Il se traînait comme ça, sur les genoux et les mains, dans la neige. Il avait la peau collée aux os. Aucun d'entre nous ne se rappelait avoir vu pareil homme, et nous nous demandions à quelle tribu il appartenait et à quelle terre. Et il était faible, très faible, comme un petit enfant. Aussi nous lui offrîmes une place à notre feu, de chaudes fourrures pour se coucher et la nourriture comme on en donne aux jeunes enfants. Il était accompagné d'un chien, trois fois plus gros que les nôtres et très affaibli lui aussi. Ce chien avait un poil ras qui ne le garantissait pas du tout du froid et la queue était à tel point gelée que le bout s'en détacha. Nous lui offrîmes à manger à cet étrange animal, nous le fîmes s'étendre près du feu et nous le défendîmes contre nos chiens qui autrement l'auraient massacré. Et grâce à la viande d'élan et au saumon séché, au soleil, l'homme et le chien reprirent leur force. Ils s'engraissèrent et se montrèrent arrogants. L'homme parlait haut, se moquait des vieux hommes et des jeunes et regardait les filles avec effronterie. Le chien se battit avec les nôtres et malgré son poil ras et sa mollesse, il en tua 3 le même jour. Quand nous posâmes à notre hôte des questions sur les gens de son pays, il répondit « J'ai beaucoup de frères ». Puis il fit entendre un rire qui sonnait faux. Une fois ses forces tout à fait revenues, il s'éloigna et Noda, la fille du chef, le suivit. Ce n'était que le commencement. Survint un second homme blanc, accompagné de chiens au poil ras, qu'il laissa derrière lui après son départ. Il emmena 6 de nos plus forts chiens contre lesquels il avait troqué, avec Ousaoté, le frère de ma mère, un pistolet merveilleux qui tirait 6 coups très rapides. Ousaoté était déjà très fier. Ce fut bien autre chose lorsqu'il eut le pistolet. Il se moquait de nos flèches et de nos arcs. « Bon pour les femmes !» disait-il, et il partait à la rencontre de l'ours grizzly à la gueule chauve, pistolet en main. « Tout le monde sait maintenant qu'il n'est pas prudent de chasser la gueule chauve au pistolet. Mais alors, comment aurions-nous pu le savoir, lui et nous ?» Il marcha donc, très brave, contre l'ours, et lui envoya 6 coups de feu très rapides. La gueule chauve ne fit que grogner et le broya dans son étreinte. Comme le contenu d'un œuf brisé, ou comme le miel qui coule au nid des abeilles, la cervelle de Ousaoté dégoûta sur le sol. C'était un bon chasseur et il n'avait pas son pareil pour apporter de la viande à Sasko et à ses enfants. Sa mort nous fut sensible et nous fit penser que ce qui est bon pour les hommes blancs ne l'est pas pour nous. Et c'est la vérité. Les blancs peuvent être nombreux et gras, mais leurs actes nous ont rendus rares et maigres. D'autres blancs vinrent au cours des années et, séduits par l'argent et les présents, nos jeunes hommes partirent avec eux. Parfois ils revenaient avec d'étranges récits des dangers et fatigues qu'ils avaient encourus dans les terres au-delà des Pélisses. Parfois aussi, on ne les revoyait plus. Et nous disions, « S'ils font aussi bon marché de leur vie, ces hommes blancs, c'est qu'ils en possèdent plusieurs. » Mais nous nous faisions rares, nous autres, de la tribu détruite, et les jeunes gens ne s'en iront plus. Ils continuèrent à nous abandonner. Les femmes s'y mirent aussi, et notre courroux ne connut plus de bornes. Il est vrai que nous mangeons de la farine, du porc salé et que nous buvions du thé qui était un vrai délice. Seulement, quand nous ne pouvions nous en procurer, nous en souffrions. Nous devenions avares de paroles et prodigues de colère. En sorte que nous finîmes par désirer avidement les choses que les Blancs apportaient dans leur commerce. Le commerce. Le commerce. On n'entendait que ce mot-là. Un hiver, nous troquâmes notre viande contre des pendules qui ne marchaient pas. Des montres aux ressorts brisés, des limes aux dents usées, et des pistolets sans cartouches. Alors vint la famine. Nous nous retrouvâmes sans viande et 20 d'entre nous moururent avant le printemps. Maintenant que nous sommes faibles, disions-nous, les Pélisses vont fondre sur nous et renverser nos frontières. Mais de notre sort, les Pélisses avaient eu leur part. Ils étaient trop faibles pour nous attaquer. Mon père, Otsbaok, un rude homme, était devenu vieux et très sage. Il parla au chef. Regarde, nos chiens ne valent rien. Ils n'ont plus de force. Leurs fourrures épaisses s'en sont allées et ils meurent de froid sous le harnais. Allons au village et tuons-les. Gardons seulement les chiennes louves et avec les loups sauvages de la forêt, nous aurons des chiens poilus et solides. On écouta ces paroles et la tribu détruite fut renommée pour ses chiens qui n'avaient pas d'égo dans le pays. Mais nous, les hommes, nous n'étions pas renommés pour nous-mêmes. La fleur de nos jeunes gens et de nos femmes était partie avec les blancs au hasard des pistes et des fleuves vers des régions lointaines. Les jeunes gens revenaient parfois s'asseoir pendant quelque temps à notre feu, mais leur langage et leurs manières étaient devenus grossiers. Ils absorbaient des mauvaises boissons, passaient de longs jours et de longues nuits à jouer, le cœur plein d'inquiétude, jusqu'au jour où, répondant à l'appel des Blancs, ils repartaient avec eux vers des endroits inconnus. Ils avaient à jamais perdu l'honneur et le respect d'eux-mêmes. Ils raillaient les coutumes traditionnelles et riaient au nez des chefs et des chamans. Aussi vrai que je le dis, nous autres, hommes de la tribu détruite, nous étions devenus une race abâtardie. Nous vendions nos chaudes fourrures et nos peaux pour du tabac, du whisky, des fanfreluches de coton sous lesquels nous grelottions. La maladie de la toux s'abattit sur nous. Hommes et femmes, nous n'arrêtions pas de tousser et de transpirer durant les longues nuits, et les chasseurs sur la piste crachaient du sang dans la neige. La bouche pleine de caillots, ils mouraient les uns après les autres. Les femmes portaient peu d'enfants, et ceux qu'elles mettaient au monde étaient débiles et sacrifiés d'avance à cette maladie. Cependant, et voici où la chose devient étrange, les blancs viennent comme la laine de la mort. Tous leurs procédés conduisent à la mort, et ils ne meurent pas. À eux le whisky, le tabac, les chiens à poils ras, à eux les nombreuses maladies, la toux et la bouche écumante de sang, à eux enfin les pistolets qui tirent 6 coups très rapides et ne valent rien. Ces nombreux fléaux ne les empêchent pas d'engraisser, de prospérer, d'abattre une lourde main sur le monde entier et d'en fouler aux pieds les populations. Et leurs femmes sont délicates et fragiles, comme de petits enfants, mais elles ne se brisent jamais, et les enfants des hommes. Et de toute cette faiblesse, maladie et douceur, naissent la force, le pouvoir, l'autorité. Eux sont les diables ou les dieux, suivant le cas. Je n'en sais rien. Que sais-je, moi, le vieil Imber de la tribu détruite? Ainsi la viande dans la forêt diminua de plus en plus. C'est vrai. Le fusil du blanc est sans pareil et tue à une très grande distance. Mais à quoi bon le fusil lorsqu'il n'y a plus de viande à tuer? Au jour de mon enfance, l'élan abondait sur chaque colline, et chaque année, le caribou venait par bandes innombrables. Mais à présent, le chasseur a beau prendre la piste pendant 10 jours, pas un élan ne réjouira sa vue, et le caribou familier n'a pas reparu. Je le répète, à quoi sert le fusil tuant à longue portée quand il ne reste plus rien à tuer? Et moi, Imber, je songeais à tout cela, tandis que je voyais les truites et les pélisses, et toutes les tribus du pays disparaître comme avait disparu la viande de la forêt. Je m'absorbais longtemps dans ces réflexions. Je pris conseil des chamans et des vieillards, tous hommes sages. Je m'écartai du village afin de ne pas être dérangé par ces bruits, et je ne mangeais pas de viande pour que le poids de mon ventre ne gênât pas mon ouïe et ma vue. Je m'assis de longues heures, sans dormir, dans la forêt, les yeux grands ouverts, les oreilles patiemment tendues, dans l'espoir du signe, du mot, qui allait peut-être venir. Et j'irai seul dans la nuit noire jusqu'à la berge du fleuve, où j'entendais les plaintes du vent et les sanglots de l'eau. J'étais venu demander la sagesse aux ombres des vieux chamans, parmi les arbres et les choses mortes. Et à la fin, comme dans une vision, les chiens détestables à poils courts s'approchèrent de moi, et j'aperçus la voie à suivre. Par la sagesse d'Otsbaok, mon père, un rude homme, le sang de nos chiens loups n'avait pas été souillé. Par suite, ils avaient conservé la chaleur de leur peau et la force au harnais. Je retournai donc au village et fis cette harangue aux hommes. « C'est une tribu, ces hommes blancs, dis-je, une très grande tribu, et sans doute ne reste-t-il plus de viande dans leur pays. Ils sont venus parmi nous dans l'intention de se faire une nouvelle patrie. Mais ils nous affaiblissent et nous périssons. Ce sont des gens très voraces. Déjà, ils nous ont supprimé notre viande. Il serait bon, si nous voulons vivre, d'agir envers eux comme nous avons agi envers leurs chiens. » Et je poursuivis mon discours. Je leur conseillais la lutte. Les hommes de la tribu détruite prêtaient tous l'oreille. Les uns disaient ceci, les autres cela, et d'aucuns parlaient de choses tout à fait en dehors et sans la moindre importance. Pas un n'eut le courage de réclamer des actes et la guerre. Laissant de côté les jeunes, mous comme l'eau et effrayés, je regardais les vieux hommes assis en silence et je voyais, dans leurs yeux, des flammes aller et venir. Et plus tard, quand le village se fut endormi, et à l'insu de tous, j'attirai les vieux loin dans la forêt et je leur parlais encore. Et alors, nous fûmes tous d'accord. Nous évoquâmes les bons jours passés, notre terre libre, les époques d'abondance et la joie et le soleil. Nous nous appelâmes frères et nous jurâmes d'observer le secret le plus absolu, de nettoyer la terre de l'engeance malfaisante qui l'avait envahie. Nous étions des fous, c'est simple à voir, mais comment pouvions-nous le comprendre, nous autres, vieillards de la tribu détruite? Et pour leur donner du cœur au ventre, j'accomplis le premier exploit. Je montai la garde sur le Yukon jusqu'à ce que je vis descendre la première pirogue. 2 hommes blancs étaient dedans, et lorsque je me mis debout sur la berge et levai la main, ils changèrent de direction et avancèrent vers moi. Celui qui se trouvait à l'avant levait la tête, comme ça, se demandant pourquoi je l'appelais. Ma flèche chanta dans l'air, tout droit, jusqu'à sa gorge, et il apprit ce que je voulais de lui. Le deuxième homme, qui tenait les pagaies à l'arrière, amenait son rifle à mi-épaule lorsque le premier de mes javelots le transperça. « Voilà les premiers, dis-je, quand les vieux se réunirent autour de moi. Plus tard, nous rassemblerons ceux des jeunes qui sont encore forts, et la tâche deviendra facile. » Et nous lançâmes les cadavres des 2 blancs au fond du fleuve. Puis, avec la pirogue qui était très bonne, nous fîmes un feu où nous jetâmes les choses qu'elle contenait, mais non sans les avoir examinées. C'étaient des poches de cuir que nous éventrâmes à coups de couteau. À l'intérieur, il y avait beaucoup de papier comme celui que tu as lu, ô Hokan, avec des signes qui nous émerveillèrent, mais qu'il nous était impossible de comprendre. Maintenant, je deviens sage, et je sais qu'il représente les discours des hommes, ainsi que tu me l'as expliqué. Un bourdonnement de murmures s'éleva dans l'auditoire lorsque Rocan eut fini d'interpréter l'affaire du canot, et une voix d'homme proclama « C'était le courrier perdu de 91, piloté par Peter James et signalé pour la dernière fois par Matthews à son départ de la barge. » Le clerc griffonnait toujours, sans arrêt. Un autre paragraphe fut ajouté à l'histoire du Nord. « Je n'ai pas tout à fait fini, » ajouta lentement Amber. « Les choses que nous avons faites sont là, sur le papier. Nous étions vieux, nous ne comprenions pas. Moi-même, Amber, je ne saisis pas encore. Nous tuions secrètement et sans trêve, car avec les années, nous avions acquis la ruse et appris comment, pour aller vite en besogne, il ne faut pas se presser. Lorsque des hommes blancs vinrent parmi nous, le regard sombre, la bouche pleine de mots grossiers, nous enlevaient 5 des jeunes, enchaînés par eux dans des fers qui paralysaient leurs mouvements, c'est alors que nous décidâmes de multiplier le nombre de nos victimes. Et l'un après l'autre, les vieux, nous partîmes pour remonter ou descendre le courant du fleuve jusqu'aux terres inconnues. Il nous fallait du courage. Nous étions vieux et téméraires, et pourtant, la crainte des régions lointaines est terriblement forte chez les vieillards. Nous continuâmes donc de tuer, sans hâte et avec astuce. Nous tuâmes sur le Chilkoot et dans le Delta, depuis les défilés jusqu'à la mer. Partout, les blancs campaient et croisaient leurs pistes. Ils mouraient, c'est vrai, mais cela ne servait à rien. Sans cesse, ils surgissaient sur les montagnes, ils croissaient et multipliaient, tandis que nous autres, chargés d'en, voyions notre nombre diminuer de jour en jour. Et cela continua ainsi. Tantôt c'était le tour d'un vieux, tantôt celui d'un autre. Parfois nous apprenions longtemps après comment ils étaient morts, mais souvent aussi, nous n'en entendions jamais plus parler. Et les vieux des autres tribus étaient faibles et craintifs. Ils refusaient de se joindre à nous. C'est tout comme je le dis, l'un après l'autre, jusqu'au moment où je restais seul. Je suis Imber de la tribu détruite. Je suis très vieux, très fatigué. Et puisqu'il est vain de lutter contre la loi, comme tu dis, Hawkan, je suis venu la chercher, cette loi. Oh, Imber, tu es vraiment un fou, dit Hawkan. Mais Imber rêvait. De même, le juge au front carré, dont la race défilait devant ses yeux en une prodigieuse fantasmagorie, sa race chaussée d'acier, vêtue de cottes de mailles, qui crée le monde et fabrique les lois parmi les familles d'hommes. Il la vit poindre, tache vacillante, à travers les forêts obscures et sur les mers agitées. Il la vit flamboyer, rouge et sanglante, au soleil du midi triomphant. Et en bas de la pente ombreuse, il vit les grèves, rougies de sang, se fondre dans la nuit. Et d'un bout à l'autre, subsistait la loi forte et sans merci, plus grande que les atomes humains qui pliaient devant elle ou étaient écrasés, plus grande que lui-même, qui sentait dans son cœur monter l'indulgence. Ainsi s'achève « La Ligue des Vieux » par Jack London.